بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله جل جلاله قراءتنا في شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وبعد، donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur la continuité de l'explication de ce chapitre qui est dédié à l'étude de deux noms parmi les noms sublimes d'Allah. On est toujours sur l'étude du nom Al-Aziz et du nom Al-Hakim. Donc toujours, hein, on s'appuie pour la compréhension de ces textes sur l'explication du grand savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, qui fait partie des grands savants et illustres savants contemporains de cette époque, et il fait partie des grandes références et des sommités et des illustres savants qui ont marqué notre époque parmi les savants contemporains. Donc dans son explication, Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseignait de nombreuses choses concernant la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant aussi le sens du nom Al-Aziz, le sens du nom Al-Hakim. On a parlé de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et du pouvoir total et absolu d'Allah jalla wa ala sur ses créatures, et qu'Allah jalla wa ala est le grand régisseur de cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui gère et administre cet univers, il est le créateur de tout, et donc il est celui qui a un pouvoir sur tout, et ce pouvoir, il est absolu. Il détient, comme on l'a appris dans les allocutions et les cours précédents, la souveraineté totale. Et on avait dit que ça, c'est important pour la vie du croyant, pour les musulmans, les musulmanes, de comprendre ça et d'apprendre ça. Et donc, à travers l'étude de ce chapitre, donc, on a appris de nombreuses questions liées au nom, hein, à l'étude du nom Al-Aziz ou Al-Hakim. Et on s'est arrêté hier, lorsqu'on était en train de traiter certaines questions liées au serment, liées au fait de jurer. Donc ce sont des questions importantes ici que soulève Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc c'est très important. Pourquoi ? Parce que le fait de faire un serment, le fait de jurer, alors même cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la manière de jurer. Et même dans cela, il y a une législation, il y a une jurisprudence dans les serments. Et ça, c'est très important. Pour cela, à ce moment-là, à ce moment donné bien précis du livre, que Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseigne ces questions-là, eh bien, c'est très pertinent et c'est important. C'est important du fait que, d'ailleurs, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a rapporté d'abord, il a mentionné, il a évoqué les versets où il y a la mention des noms sublimes d'Allah, en l'occurrence Al-Aziz, voilà Hakim. Ensuite, dans les hadiths qui viennent, hein, qu'on a commencé, dont on a commencé et on commence l'étude, on voit qu'il y a la mention de l'attribut. La mention de l'attribut Al-Izza. Pourquoi ? Parce que du fait qu'Allah Jalla wa Ala est Al-Aziz, et parmi ses noms sublimes, on a appris Al-Aziz, hein, qu'on peut traduire par le Tout-Puissant, par exemple. Cela sous-entend, on a dit que il y a donc un attribut. Cela induit et sous-entend un attribut. L'attribut de Al-Aziz, c'est Al-Izza en arabe. Al-Izza. Et lui, l'auteur, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, si on observe bien, on peut constater donc qu'il a ensuite mentionné des textes, aussi bien des versets du Coran et des hadiths du prophète, où il y a la mention justement de l'attribut. Pour ça, je vous le répète et j'insiste, sur l'attribut de Al-Izza. Al-Izza. Donc il y a la mention de ce terme, et on voit qu'aussi à travers l'évocation de ces textes, on voit qu'il y a un serment. Il y a le serment qui est induit et sous-entendu dans ces textes. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen nous a parlé de la question du serment. La question du serment, et ça c'est très important. Donc on va continuer, Inch'Allah. Donc hier, on s'est arrêté lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen, premièrement, nous avait expliqué le terme Subhan. Subhan. Et donc, lorsqu'il nous a expliqué le verset Subhan Rabbika Rabbil Izza. Vous avez vu dans ce verset, par exemple, Subhan Rabbika Rabbil Izza. On voit qu'il y a le terme Al-Izza qui est mentionné dans le verset. Et maintenant, c'est pertinent du fait que à chaque fois que vous allez lire le Coran, ou bien vous allez écouter le Coran, lorsque vous allez méditer, vous allez voir par exemple certains versets où il y a la mention de certains noms qu'on a étudiés dans les chapitres précédents et les noms qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre-ci. Et bien maintenant, vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir mieux comprendre le sens des versets. Surtout, souvent, vous avez vu que les versets se terminent avec la citation ou l'évocation de noms sublimes. Et souvent, vous avez vu que de nombreux versets se terminent avec la mention de noms sublimes, comme Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Majid, vous avez vu de nombreux noms. Et du fait qu'on a étudié, par exemple, dans les premiers chapitres, on a étudié Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, par exemple, on a étudié le grand dispensateur Razak, par exemple, on a étudié d'autres noms sublimes. À présent, lorsque vous écoutez ces versets, vous allez pouvoir méditer, vous allez mieux comprendre les versets et vous allez mieux comprendre le sens de ces noms. Et en l'occurrence, par exemple, le terme Al-Izza, du fait qu'on l'a bien expliqué dans les cours précédents, Cheikh Ibn Uthaymeen nous a même expliqué les différentes catégories par rapport au sens, les différentes catégories de Izza pour bien comprendre ici le sens de Al-Aziz. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cela. Et donc, dans la dernière assise, dans la dernière allocution, dernier cours, on avait, Cheikh Ibn Uthaymeen nous avait appris le sens du verset, Subhan Rabbika Rabbil Izza. Pourquoi ? Parce que l'imam al-Bukhari, l'auteur lui-même, a mentionné et a cité ce verset. Et donc, on avait appris le sens de Al-Izza, mentionné dans le verset, en disant que Rabbil Izzati, c'était dans le sens de détenteur de Al-Izza. Subhan Rabbika. Et comme il y avait le terme Subhan, gloire à ton Seigneur, donc ensuite, on a appris le sens de Al-Tasbih. Et on entend souvent ce nom-là, Al-Tasbih, Al-Tasbih qui est un masdar dans la langue arabe. Et on avait dit que Subhana, c'est ism masdar du verbe sabbaha dans la linguistique arabe. Donc tesbih, on l'entend souvent, le fait de faire du tesbih par exemple. Donc on avait dit c'est souvent traduit littéralement par la glorification. Mais quel est le sens réel de tesbih? Shir nous a dit tesbih, c'est dans le sens de tenzi. Et nous on avait traduit, on avait dit donc c'est l'exemption. C'est l'exemption et on avait explicité cela dans la dernière allocution, dans le dernier cours. Et ça, c'était très important. Ensuite, l'imam al-Bukhari, on a dit, avait mentionné le verset dans la sourate Les Hypocrites. Où Allah, Jalla wa Ala, nous dit « Walillahi l'izzatu wa li rasulih wa li l'mu'minin » Et Allah appartient à lui, l'izza. Vous avez vu encore le terme l'izza, la tribu, qui est le pouvoir, la puissance. Et Allah appartient à cela d'une manière absolue. Et aussi, il dit « Et à son messager et aux croyants » du fait qu'Allah, Jalla wa Ala, a soutenu, a appuyé, a assisté et a donné victoire et secours à son prophète et aux croyants. À son prophète et aux croyants. Et Allah, Jalla wa Ala, dans ce verset, a répondu aux hypocrites à l'époque. Les hypocrites à l'époque, qui étaient les hypocrites? C'était ceux d'une manière apparente. Ils mettaient en évidence l'islam et la croyance, d'une manière apparente. Mais dans leur fond intérieur, ils dissimulaient la mécréance. Et donc, ces gens-là complotaient et rusaient constamment contre le prophète et les croyants. Et parmi les choses qu'ils disaient, ils voulaient rabaisser les croyants à l'époque en disant que lorsqu'ils reviendront à Médine, alors le fort expulsera le faible. Et Allah, Jalla wa Ala, Leur a répondu que Allah appartient à la puissance et à son messager et aux croyants. Et on avait expliqué cela dans le cours dernier. Et ensuite, la Cheikh Ibn Uthaymeen nous a parlé de la question du fait de jurer par Al-Izza. Et maintenant, on va reprendre sur quoi on s'est arrêté dans la dernière assise et dans le dernier cours. Donc ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen soulève une question très importante. Est-ce qu'on aurait droit de jurer par Al-Izza? Et avant, il nous a expliqué que Al-Izza donc fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque chaque nom sublime et magnifique sous-entend un attribut. Et du fait que Al-Izza fait partie des attributs d'Allah, donc on avait appris, on a le droit de jurer par un attribut, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est d'une manière générale. Ensuite, dans ce qui va suivre, on verra à quelques nuances. Concernant par exemple la question des attributs d'information, on parlera de cela. Mais d'une manière générale, on a le droit de jurer par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen avait soulevé la question concernant le fait de jurer par le Coran. Il nous avait dit que cela est permis. On avait étudié la question, le fait de jurer par les signes d'Allah. Alors, on avait répondu avec une nuance. Si maintenant, ce qui est sous-entendu par les signes d'Allah, c'est les signes universels, on avait dit qu'on ne doit pas jurer par les signes universels, c'est-à-dire par la création d'Allah. Par exemple, parmi les signes universels, on avait dit comme le soleil, la lune ou certaines constellations ou autres qui font partie de la création d'Allah. Si c'est ça qu'on sous-entend par les signes universels, donc là, on n'a pas le droit de jurer par cela. Par contre, si par les signes, on sous-entend les signes religieux de sorte que ça fait allusion à la révélation, au Coran par exemple, ou au verset d'Allah, cela est permis. Pourquoi ? Parce que le Coran est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on avait parlé aussi du fait de jurer par al-mushaf, et on avait dit la nuance aussi qu'il y a dans le fait de jurer par le mushaf. Donc le mushaf est composé de feuilles, est composé d'une couverture, est composé par exemple de peau, est composé d'encre. Si c'est ça dont on fait allusion lorsqu'on fait le serment, alors là c'est interdit. Pourquoi ? Parce que tout cela est créé. Par contre, si lorsqu'on jure par le mushaf, c'est la parole d'Allah dont on fait allusion, et dont on utilise pour notre serment et pour jurer, donc là c'est permis. Et ça on l'avait expliqué hier, et nous maintenant, à présent, après cette révision, on va continuer. Pourquoi ? Il fallait réviser ces points-là pour qu'on puisse comprendre ce qui va venir ensuite, puisque Cheikh Ibn Uthaymeen va continuer à nous expliquer certaines nuances qu'il y a dans les serments. Et pour cela, il fallait qu'on révise ce qu'on a appris hier. Donc pour ceux qui le savaient, ça leur fait un rappel. Ça leur fait un rappel, Inch'Allah, et le rappel est toujours bénéfique, ça fait une révision. Et pour ceux qui ne le savaient pas, qui l'apprennent, eh ben, ça leur fait un enseignement très important. Pourquoi ? Parce que comme on l'avait dit dans des allocutions précédentes, le musulman ne peut pas jurer par un autre qu'Allah. Il n'a pas le droit de jurer par un autre qu'Allah. Cela est strictement interdit et c'est une forme de polythéisme dans les paroles et les propos. Donc c'est un polythéisme, on avait dit, qui est mineur, puisqu'il y a deux formes de polythéisme. Il y a un polythéisme qui est majeur, un grand polythéisme, et il y a un polythéisme qui est mineur, une petite forme de polythéisme. Et certains savants aussi rajoutent une troisième catégorie, le polythéisme caché et imperceptible, ce qui est imperceptible aux yeux des gens. Et beaucoup de savants disent qu'on peut rester sur la subdivision en deux, sur les deux catégories, du fait qu'il y a des grandes formes de polythéisme qui peuvent être parfois imperceptibles, et il y a des petites formes de polythéisme aussi qui peuvent être parfois imperceptibles. De cela, ils disent qu'on peut rester sur la subdivision en deux, de dire que le polythéisme se divise en deux catégories, le polythéisme majeur et mineur. À savoir que le fait, tant qu'il n'y a pas de conviction, à condition qu'il n'y a pas de conviction, le fait de jurer par un autre qu'Allah, sans qu'il y ait de conviction, ça reste un polythéisme dans les propos, donc un petit polythéisme. Donc c'est plus grave que les péchés capitaux. C'est ça qu'il faut savoir. Beaucoup de gens négligent cela. Le fait de faire un serment par un autre qu'Allah, par exemple de jurer par les ascendants ou de jurer par les descendants, de jurer sur la tête de ses enfants ou sur la tête de ses aïeux, de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents, ou sur la tête d'un mort par exemple, de jurer sur un wali, comme ils disent, hein, ils prétendent qu'il y a 10, de jurer sur le saint ou autre, cela est strictement interdit. Voilà, c'était une portée d'attention très rapide ici pour qu'on puisse comprendre les questions qui vont être soulevées dans le cours d'aujourd'hui, qui vont être très, très importantes. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, maintenant, nous a soulevé certaines questions concernant donc le serment. Donc, on a dit que, par exemple, on pouvait jurer par le Coran, par les attributs d'Allah, en l'occurrence ici, par la puissance d'Allah qui fait partie des attributs d'Allah. Pourquoi on traite cette question? Parce que maintenant l'imam al-Bukhari nous mentionne un hadith. Donc après qu'on a étudié les, dans les cours précédents, on a étudié les versets qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Maintenant, l'imam al-Bukhari mentionne et commence à mentionner des hadiths du prophète sallam. En l'occurrence, le premier hadith qu'il va mentionner, c'est le hadith d'Anas ibn Malik. D'Anas ibn Malik, où le prophète sallam nous informe au sujet de l'enfer. Au sujet de l'enfer. Donc le prophète sallam nous dit que l'enfer a dit qat qat wa izzatik. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taqulu jahannam qat qat wa izzatik. Alors l'enfer dira qat qat. Qat qat, comme on va l'expliquer ici. Donc ça on pourrait le traduire, ça veut dire hasb hasb en arabe. On pourrait le traduire ici ça suffit. Seulement seulement c'est suffisant ou ça suffit. Donc là, l'enfer dira ça suffit. Et l'élément illustrant ici dans le récit, c'est que l'enfer ensuite dira wa'izzatika, wa'izzatika, par ta gloire et ta puissance. Donc l'enfer, regardez, va faire un serment par izzatillah, par la puissance et le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre ce passage, puisque là, vous avez pu comprendre, hein, que l'imam al-Bukhari, l'auteur, a mentionné juste la partie d'un hadith. Et cette partie-là, on va la revoir puisqu'il va mentionner le hadith ici dans sa complétude, dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Il va mentionner un autre hadith dans la complétude qui nous mentionne justement l'histoire. Il va mentionner ce hadith-là plutôt dans sa complétude, comme vous allez voir dans ce qui va suivre. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans l'explication pour qu'on puisse comprendre ici, il dit le terme « qat » qui est mentionné dans le récit, cette parole que dira l'enfer. Ça veut dire hasb, comme on a dit, ça suffit, ou seulement, par exemple, c'est suffisant. Wafiha lurat. Et il dit, d'une manière linguistique, dans la langue arabe, il dit, il y a différentes manières de le dire. Ici, vous avez pu voir que qat, à la fin, il y a une sukun. Donc, il n'y a pas de voyelle, ça ne termine pas sur une voyelle. C'est mabni ala sukun, il dit. Mabni yatun. C'est pour ça qu'on prononce qat. L'enfer dira qat, qat. Comme il dit, ça pourrait être mabni ala al-kasr. Munawwana. Comme il dit, mabni ala al-kasr, munawwana. Donc ça, c'est plus lié à la linguistique arabe ici pour bien comprendre la prononciation. On pourrait dire qatin, qatin. Ici avec al-kasra à la fin. Donc taqulu jahannam. Donc l'enfer dira cela. Pourquoi l'enfer dira? Donc maintenant, on traduit en français, ça suffit, ça suffit. Pourquoi? Parce que comme on va le voir dans l'histoire de ce hadith, c'est que lorsque Allah Jalla wa Ala mettra son pied dans l'enfer, puisque il est rapporté dans le récit que l'enfer, lorsque des gens seront rentrés en enfer, car Allah nous en préserve, hein, alors l'enfer dira, est-ce qu'il y a mazid en arabe? Donc on va le traduire de manière littérale, est-ce qu'il y a du rajout. Alors, Allah Jalla wa Ala mettra son pied. Et de là, l'enfer dira, ça suffit, ça suffit. لكن هذا اللفظ الذي علقه المؤلف قط قط وعزتك هذا قسم. Et on voit qu'ensuite, l'enfer dira, وعزتك, par ta puissance, par ta gloire au Seigneur. Donc on voit que l'enfer ici fera un serment. Et c'est ça l'élément illustrant ici, c'est ça que vous nous sous-entendre l'imam al-Bukhari, l'auteur lui-même, et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen va nous parler justement du serment par Al-Aïza. Pour cela, on a soulevé cette question, puisque là, on a une preuve que l'enfer, le prophète sallam nous enseignait que l'enfer fera le serment et jurera par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie encore des récits qui nous indiquent la permission ici, le caractère légiféré de pouvoir faire un serment par Al-Aïza, en l'occurrence, de manière plus particulière et d'une manière plus générale, par un attribut, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, ensuite, on va mieux l'expliquer dans ce qui va suivre. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, ensuite, va le citer dans sa complétude. Donc, on va mieux parler de l'histoire. Pourquoi l'enfer a dit cela avec des éléments du hadith? Mais ensuite, l'imam al-Bukhari, il a juste cité cette partie du hadith, et l'élément illustrant, ce qui nous est important pour nous, c'est cette partie où l'enfer dit « wa izzatika ». Donc l'enfer fait le serment par la puissance d'Allah. Ensuite, l'imam al-Bukhari dit « wa qala Abu Hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yabqa rajulun bayna al-jannati wa an-nar akhiru ahli an-nar dukhulan al-janna fa yaqul rabbi sirif wajhi an an-nar la wa izzatika la as'aluka ghayraha لا وعزتك لا أسألك غيرها والشاهد قوله لا وعزتك فأقسم بعزة الله وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له لا وعزتك ما معنى لا هنا هل هي للنفي أم ماذا نقول ليست للنفي لأنها لو كانت للنفي لكان نفي اليمين لكنها للتأكيد والتنبيه ونظيرها قوله تعالى في كتابه الكريم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وفي قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بما تبصرون ليست لا نافية هنا ولكنها للتنبيه والتأكيد وقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله لك ذلك وعشرة أمثاله Et regardez ensuite, l'imam al-Bukhari a mentionné, juste après cette parole de l'enfer qu'il mentionne, il dit, et le compagnon Abu Huraira rapporte d'après le prophète Ansem que le prophète Ansem a dit un jour, يَبْقَ رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Il y aura un homme qui sera entre le paradis et l'enfer. Et ça sera le dernier des gens qui étaient dans l'enfer, qui rentrera au paradis. Donc le dernier, être sorti de l'enfer pour rentrer au paradis. فَيَقُولُ رَبِّ صَرِفْ وَجْهِ عَنِ النَّارِ Et cette personne-là, il s'adressera à Allah et dira, « Ô Seigneur, écarte mon visage de l'enfer. Écarte mon visage de l'enfer. لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا Ensuite, cet homme-là fera un serment. Il dit, par ta puissance et ta gloire, je ne te demanderai rien d'autre que cela. Et là, l'élément illustrant, pourquoi l'imam al-Bukhari cite cela aussi, parmi les raisons, et pourquoi Cheikh Al-Uthaymeen insiste sur cela, parce que même dans ce récit, on voit que cette personne dont il nous est dit, alors qu'il sera entre le paradis et l'enfer, « وَهُوَ أَخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ » Donc, ça sera le dernier parmi les gens de l'enfer, qui entrera au paradis. Fayaqulu, et lui, qu'est-ce qu'il dira? Il dira au Seigneur, écarte mon visage de l'enfer, la wa izzatika, et par ta gloire, par ta puissance. Regardez, là, il fait le serment. Il fait le serment par l'attribut d'Allah, al-Izza, ce qu'on est en train d'étudier ici. C'est ça l'élément illustrant. Donc ici, on a encore une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe à travers cette histoire que cet individu, cette personne-là, dira wa izzatika, elle s'adressera à Allah en lui disant par ta puissance, la as'aluk. Je ne te demanderai rien à part cela. Donc, il a fait le serment par la puissance d'Allah et le pouvoir absolu d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a narré et enseigné cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui vraiment qui s'intéressent aux subtilités de la langue arabe ici, vous avez pu voir lorsqu'il fait le serment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce récit, il nous a dit que cet homme, lorsqu'il va faire le serment, il va dire « La wa izzatika ». La wa izzatika. Et là, pour ceux qui ont une connaissance dans la langue arabe, ça attire notre attention sur le la. Pourquoi? Parce que le serment, c'est wa izzatika. Donc, en plus, ce qui nous fait bien comprendre que c'est un serment, c'est la kasra aussi à la fin du terme wa izzatika. Ça nous fait bien comprendre aussi que c'est un serment. Il n'est pas dit wa izzatuka, wa izzataka, par exemple, puisque le serment, on voit que ensuite il faut mettre al kasra wa izzatika. Mais il y a ce la au début. La wa izzatika. Quel est le sens de cela? Est-ce que ça serait la particule de la négation? Est-ce que cela sous-entend la lettre la sous-entend la négation? Donc ça serait une particule de négation, comme on en a l'habitude hein, lorsqu'on entend le la. Ou bien elle sous-entend un autre sens. Cheikh Al-Uthaymeen nous enseigne et dit ici il faut faire attention. Le la ne sous-entend pas la négation. Donc c'est pas la particule de négation. لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلنَّفِي لَكَانَ نَفَا الْيَمِينَ Pourquoi? Parce que si ça serait dans le sens de la négation, alors ça va nier le serment. Pourquoi? Parce que cet homme va faire le serment, il va dire Il va s'adresser à Allah en disant, par ta gloire, par ta puissance, je ne te demanderai rien d'autre que cela. Donc il va lui faire une demande, il va demander une chose à Allah, d'écarter son visage, d'éloigner son visage du feu de l'enfer. Et il dit à Allah, je ne te demanderai rien d'autre que cela. Et il dit, et cela par ta puissance. Donc il fait le serment, il a juré qu'il ne demanderait rien d'autre. Et donc si le « là », on le comprend par une particule de négation, ça serait comme si que cet homme nie le serment. Pour ça, il est très important de comprendre que le « là » ici, ce n'est pas une particule de négation. Mais il dit plutôt, ça vient dans le sens de « at-ta'kid wa at-tanbih ». Mais c'est plutôt le « là » ici, il sous-entend, le sens qu'il dénote, c'est « at-ta'kid », la confirmation. La confirmation et la portée d'attention. Donc le « là », ici, c'est dans le sens qu'il y a une portée d'attention, il y a une confirmation du fait qu'il va faire un serment. Donc cet homme va jurer par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il demandera rien d'autre que cela. Donc il a demandé qu'Allah jalla wa ala l'éloigne et l'écarte, écarte son visage du feu de l'enfer. Et ça, c'est très important, même ensuite pour traduire, par exemple, d'autres versets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des versets semblables à cela. Par exemple, dans le Coran, on voit que lorsqu'Allah jalla wa ala dit dans la sourate Al-Balad, « La uqsimu bihadha al-balad »« La uqsimu » Cheikh Ibn Al-Haythami nous dit le « la » ici, ça a le même sens. Le « la », il est semblable que celui qui est mentionné dans le hadith par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par exemple, dans l'autre sourate Al-Qiyama, par exemple, on voit lorsqu'Allah jalla wa ala dit « La uqsimu biyawmi al-qiyama » le « la », c'est la même chose ici. Et ça, c'est une grande portée d'attention. C'est très important, par exemple, pour celui qui traduit. Ici, pour se traduire et pour bien comprendre le verset. Donc ici, ce n'est pas là la négation. « Fala uqsimu bima tubasirun » par exemple, dans la sourate Al-Haqqa, le verset 38. Laysat la, donc Cheikh Ibn Al-Haythami insiste bien sur cela, il dit le la ici, ce n'est pas là la négation, walakinha litanbi wa at-ta'kid. Ensuite, l'imam Al-Bukhari dit قال Abu Sa'id, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jalla kadhalik wa 10 amthali. Et ensuite Abu Sa'id nous informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque cet homme ensuite lui a demandé cela, ensuite Allah azza wa jalla a dit la kadhalik, tu as cela et 10 fois plus encore, et 10 fois l'équivalent, si vous voulez, dans une traduction plus littérale. Tu as cela, et 10 fois même aussi. ثُمَّ قَالَ شَمْرَ عَثَيْمِينَ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى لِعَنْ بَرَكَتِكَ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى لِعَنْ بَرَكَتِكَ وَالشَّاهِدْ قَوْلُهُ وَعِزَّتِكَ فَأَقْسَمَ أَيُّوبُ بِعِزَّةِ اللَّهِ فَذَلَّ ذَلِكَ فدل ذلك على جواز القسم بصفة من صفات الله عز وجل أي صفة من صفات الله ولكن يحسن أن تكون الصفة التي تقسم بها مناسبة للمقسم عليه فإذا كنت تريد أن تقسم على غلبة فما الذي يناسبه وعزتك مثلا ولهذا الشيطان يعرف ربه عز وجل ويعرف قدره فلما أراد أن يخبر الله عز وجل بأنه سوف يغوي العباد إغواء العباد يحتاج إلى قوة وإلى سلطة ماذا قال؟ قال وبعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين فأقسم الشيطان بعزة الله لأنها تناسب المقام فالتناسب بين المقسم والمقسم عليه هو طريقة القرآن ولهذا لا تجد قسما في القرآن إلا وبين القسم والمقسم عليه إلا وبين القسم والمقسم عليه مناسبة لكنها قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة معروفة لكل أحد. Et là, Cheikh Ibn Al-Haythami, maintenant, continue à nous expliquer ce qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari. Maintenant, l'auteur va faire allusion à un autre serment. Un autre serment, et c'est le serment de Ayyub, le prophète Ayyub. Lorsque Ayyub a fait le serment et a juré aussi, donc on a un autre hadith que nous rapporte l'imam al-Bukhari, qui nous confirme le caractère légiféré, la permission de jurer par l'attribut, de manière plus particulière, de la puissance Et donc, on a appris que d'une manière plus générale, on a le droit de jurer par les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on expliquera une petite nuance dans ce qui viendra. Et donc, ce qui prouve cela aussi, on a un récit qui nous est rapporté de Ayoub, en l'occurrence, le prophète Ayoub, où le prophète Ayoub a fait un serment par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, Wa'izzatika, donc vous voyez le terme encore, Al-Izza, le pouvoir absolu d'Allah et la puissance d'Allah, par ta puissance, larinali an barakatik. Donc ça, c'est le serment de Ayoub. Qui était Ayoub? Donc juste avant de dire qui était Ayoub, je vous traduis juste ce que Cheikh Ibn Athaymeen nous explique ici, très important. C'est qu'il nous explique, regardez, on a vu à travers les différents textes qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari, on a vu qu'il y a cette citation, cette allusion au serment, au fait de jurer par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient souvent, on a de nombreux textes où il y a le serment justement par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi dans ces textes-là, ceux qui font le serment ont utilisé la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Athaymeen nous dit, lorsqu'on jure par un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre en considération le contexte et les circonstances. De ce fait, si c'est un contexte et des circonstances qui demandent de faire le serment par la puissance, le contexte et les circonstances dénotent ici le pouvoir et la puissance, par exemple, eh ben, de jurer par un attribut qui convient, qui est propice au contexte et aux circonstances. Comme par exemple, Cheikh Ibn Athaymeen va nous donner un autre exemple. Donc on voit que c'est présent aussi bien dans les hadiths qu'a mentionné, dans les récits qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, mais aussi bien, on retrouve cela dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, vous avez le verset, dans Sad, le verset 82, où Allah Jalla wa Ala nous fait part du serment de Iblis, lorsque Shaitan a fait le serment aussi. Il a fait le serment en disant Fabi'izzatik la ajma'in. Donc, par ta puissance, je les égarerai, je causerai la perte de tous, ajma'in. Une traduction relative du verset. Donc, on voit que Shaytan fa aqsama shaytan ou bi'izzatillah. Donc, Shaytan lui-même a fait le serment aussi. Donc, on a un verset dans le Coran, comme je vous ai montré précédemment, où Shaytan lui-même, il fait le serment. Il a juré par la puissance d'Allah et il a utilisé la puissance ici d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce serment en disant Fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, par ta puissance et ta gloire je causerai à tous hein, leur perte. Donc c'est pour ça que Shaitan a fait le serment, il a juré qu'il va s'efforcer, qu'il va essayer de causer la perte et l'égarement de tous les hommes. Pourquoi Shaitan par exemple lui aussi utilise pour son serment, elle est Aïza, la puissance d'Allah. Pourquoi? Parce que les circonstances et le contexte impliquent cela. Pourquoi? لهذا لا تجد قسما في القرآن إلا وبين القسم والمقسم عليه مناسبة. C'est pour ça que tous les serments que vous allez voir dans le Coran, vous allez voir que le serment il est propice avec les circonstances. Donc le fait de prendre en considération. Pourquoi? Parce que par exemple ici en ce qui concerne le serment de Shaitan, Shaitan pour égarer donc les hommes, il a besoin d'une force, il a besoin de l'emprise, il a besoin d'une autorité. Donc il a besoin ici d'un contrôle. Donc il va vouloir essayer de prendre l'emprise et le contrôle sur les êtres et sur les serviteurs d'Allah, ce printemps-là. Donc s'il veut les égarer, il faut qu'il ait une emprise sur eux, il faut qu'il ait un contrôle sur eux, donc une autorité, ce qu'on appelle un sultan sur eux. Et pour cela, eh ben, il va jurer par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous comprenez bien que là, ça dénote vraiment cela. Et ça, c'est vraiment très bénéfique de le savoir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsqu'on lit le Coran, peut-être, certains d'entre vous, vous êtes déjà posé la question, lorsque vous lisez, vous méditez les versets, et vous lisez, par exemple, lorsqu'Allah nous informe au sujet du serment de Shaitan, lorsqu'il a juré de cette manière, pourquoi Shaitan a utilisé cet attribut, elle est Aïza, alors qu'il aurait pu utiliser d'autres attributs, comme on a dit précédemment, pour jurer. Donc c'est une question que peut-être vous êtes déjà posée, qu'on peut se poser. Là, Cheikh Ibn Athaymeen nous répond à cette question. Et donc c'est un enseignement bénéfique, à savoir que le fait d'utiliser un attribut qui convient aux circonstances et au contexte. Et de ce fait, on a même, de la même manière, on a un hadith aussi qu'on avait déjà mentionné dans des cours précédents, où Shaitan, il y a un hadith, un récit que le prophète sallam nous enseigne que Shaitan avait dit à Allah Jalla wa Ala, bi'izzatika, il avait fait le serment aussi, bi'izzatika wa jalalik. Il avait fait le serment aussi par la puissance et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et la majesté d'Allah en disant je vais égarer tous tes serviteurs. Et Allah jalla wa ala lui a répondu par ma gloire et ma puissance et par ma majesté, en traduction relative, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent le pardon. Et vous avez vu, de même dans ce hadith prouve aussi que Shaitan avait utilisé la puissance d'Allah pour faire le serment. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, ça c'est une preuve que Shaitan lui-même connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il connaît, il a cette connaissance à Shaitan. Mais malgré tout, cette connaissance n'a pas fait de lui un croyant, quelqu'un qui a la foi. C'est pour ça, et ça, ça répond à la doctrine, à la pensée, de dire que la foi, ça serait la connaissance d'Allah. Le fait de connaître Allah, ça serait la foi. C'est faux de dire cela. Et donc là, on a une réfutation, une réponse à cette doctrine et cette pensée, cette conviction fausse. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que Shaitan serait mu'min et serait croyant. Pourquoi ? Parce que Shaitan a la connaissance, il connaît son Seigneur, il connaît Allah. Mais ça n'a pas fait de lui un mu'min, ça n'a pas fait de lui un croyant. Et ça, c'est important de le savoir. Maintenant, à présent, je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'auteur du serment qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, le serment dont on expliquait, dont l'auteur est Ayyub. Ayyub alayhi salam. Donc Ayyub faisait partie des prophètes. Donc vous avez vu, l'imam al-Bukhari ici nous a mentionné une partie du serment de Ayyub alayhi salam. Et donc Ayyub faisait partie des prophètes. Et donc il fait partie des prophètes qui ont été mentionnés, qui sont évoqués dans le Coran. Et ça, ça fait partie des... Vraiment, ça dénote ici le rang de ce prophète. Donc il est mentionné, il est évoqué dans le Coran. Et comme vous savez, il y a des prophètes dont Allah Jalla wa'ala nous a enseigné leurs histoires, ou dont Allah Jalla wa'ala a évoqué, les a évoqués et mentionnés dans le Coran, et d'autres prophètes dont Allah Jalla wa'ala n'a pas évoqué dans le Coran. Donc il y a des prophètes dont on a la connaissance de leur nom, et d'autres prophètes dont on n'a pas la connaissance. C'est pour cela que ce n'est pas tous les prophètes et les messagers qu'Allah Jalla wa'ala a envoyés qui sont mentionnés dans le Coran. Il y en a d'autres aussi. C'est pour cela que dans des récits, il nous est dit que en ce qui concerne les prophètes, Allah Jalla wa'ala a fait descendre plus de 120 000 prophètes. Et il y a un hadith qui est mentionné de manière plus précise, 124 000 prophètes. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils ont traité la question, combien de prophètes Allah a envoyé vers les différents peuples sur terre, certains savants, ceux qui authentifient ce récit, qui jugent que le hadith est authentique, ils considèrent que Allah Jalla wa'ala a envoyé plus de 120 000 prophètes. Et d'autres savants considèrent que c'est un nombre dont on n'en a pas la connaissance. Allah a envoyé énormément de prophètes dont on n'a pas la connaissance réelle du nombre. Mais ceux qui jugent le hadith authentique, donc ils disent qu'Allah Jalla wa'ala a fait descendre plus de 120 000 prophètes, en l'occurrence 124 000 prophètes. Et c'est pour ça, dans un verset, Allah Jalla wa'ala nous dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ الطَّغُوتِ » Pour cela, Allah nous dit « Nous avons envoyé à chaque nation, on a fait descendre un prophète pour les appeler à l'adoration d'Allah et de s'écarter de l'adoration du Tarut, notre traduction relative du sens du verset. » Donc Allah Jalla wa'ala a envoyé par miséricorde des prophètes et des messagers. En ce qui concerne les messagers, Allah Jalla wa'ala, il nous est mentionné dans un hadith, il a envoyé plus de 300 messagers. 300 messagers, un peu plus de 310, 300 et quelques, un peu plus de 300 messagers, certaines versions disent 313, messagers qu'Allah Jalla wa'ala a envoyés. Et lui donc, Ayyub, lorsqu'on entend l'évocation de son nom, donc on a dit qu'il est évoqué dans le Coran, par exemple dans Surat Al-An'am, il est évoqué aussi dans Surat An-Nisa, si je ne me trompe pas. Et donc Ayyub, lorsqu'on entend l'évocation de ce prophète, on peut pas passer à côté de son histoire. Surtout lorsque les personnes sont éprouvées. L'un des plus grands exemples de patience face aux épreuves, c'est Ayyub. Ayyub, ce prophète, est l'exemple même, l'un des plus grands exemples de patience. Car Allah Jalla wa'ala nous a enseigné subhanahu wa ta'ala. En période de confinement, par exemple, ceux qui veulent se faire un rappel sur la patience et lire un rappel énorme sur la patience, alors lisez la vie de ce prophète Ayyub. Par exemple, ceux qui sont éprouvés par d'autres épreuves. Souvent, les gens sont éprouvés par des épreuves. Ceux qui sont éprouvés par des épreuves dans leur foyer, ceux qui sont éprouvés par les épreuves de la maladie ou autres, les épreuves économiques ou autres. Eh bien, lisez la vie de Ayyub, vous allez voir, c'est l'un des plus grands exemples d'épreuves. Jusqu'à même que certains savants ont dit qu'il n'y a pas une personne dans cet univers qui a patienté et qui a été éprouvée sans que Ayyub l'ait surpasser, sans qu'Ayoub ait surpassé ces gens-là au niveau des épreuves et au niveau de la patience. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ayoub, il fait partie de la descendance de Ibrahim, du prophète Ibrahim. Et c'est ce qui est le plus plausible et le plus juste de ce qui a été mentionné par les grands historiens et les spécialistes. C'est qu'ils disent que Ayoub fait partie de la descendance du prophète Ibrahim, puisque le prophète Ibrahim faisait partie des et est surnommé le père des prophètes. En l'occurrence, vous avez vu, Ibrahim avait son fils Ishaq. Et Ishaq, dont a eu son Yaqub, a eu parmi ses garçons, il a eu Yaqub, mais aussi, il a eu un autre fils, Elaïs. Donc Elaïs, ils disent, les historiens, les spécialistes disent que Ayoub était l'un des descendants de Elaïs, donc de Ishaq. Pour ça, sa lignée, elle remonte à Ibrahim. Et donc, Ayoub, son histoire est très pertinente et célèbre du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a relaté justement l'épreuve qu'a subi Ayoub. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam, ce prophète à la base, c'était un homme dont Allah jalla wa ala avait comblé de nombreux bienfaits. Et ça, c'est important de le savoir dans l'histoire de Ayoub. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ayoub, c'était quelqu'un qui était riche. C'était un homme qui était riche et qui jouissait de nombreux bienfaits, comme l'expliquent les exégètes et les historiens. Donc, il était très riche. Il possédait toutes sortes de biens. Il avait du bétail. Il avait même des servants à son service. Et il était détenteur de terres, de vastes terres. Donc, il détenait des étendues. Et ces terres-là, en plus, étaient fertiles. Et c'était, si vous voulez, c'était situé dans la région de Batna. Et comme les historiens et les grands savants nous enseignent, ils disent donc Ayoub, ce prophète, était vraiment riche et Allah Jalla wa'ala l'avait vraiment comblé de bienfaits, donc des richesses. Il avait aussi beaucoup, parmi les bienfaits qu'il avait, il avait beaucoup d'enfants. Et donc, il avait une grande famille. Et en plus de cela, ce qui vient se rajouter à tous ces bienfaits-là et qui rajoute de la valeur à tout cela, le fait qu'il était prophète. Donc les gens à son époque, lorsqu'ils voyaient Ayoub, cet homme qui était riche, cet homme qui avait une grande famille, qui avait de nombreux enfants, il possédait de nombreuses terres, il possédait de nombreux biens, il avait du bétail, il avait des servants, ses terres, elles étaient fertiles. Donc vraiment, il avait vraiment une grande richesse. Donc, il jouissait de ses richesses, de tout ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a octroyé. Et en plus de ça, il avait la prophétie du fait qu'Allah Jalla wa Ala l'avait élu comme prophète. Et il fait partie des descendants du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Mais un jour, il va être éprouvé. C'est pour ça, ce qui est connu de l'histoire du prophète Ayoub, c'est que ce prophète a été éprouvé par la maladie. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas tout. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur les richesses et ces biens que possédait Ayoub. Pourquoi ? Parce que Ayoub, le prophète, il va être éprouvé par la maladie. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps qu'il va être éprouvé par la maladie, il va perdre tous ses biens. Donc toute la richesse qu'il avait, tous ses biens qu'il avait, il va tout perdre. Et ça, c'est une grande épreuve. C'est une très grande épreuve. Même ses enfants qu'il avait, lorsqu'il va être touché par la maladie, petit à petit, à chaque fois, il va perdre un enfant. Et donc, il va vraiment être éprouvé par la perte de ses biens, par la perte de proches, parce qu'il va perdre des enfants. Ses enfants, il va les perdre, ils vont décéder. Et en même temps, il va être éprouvé par la maladie. Mais pas n'importe quelle maladie. Il va être éprouvé par une maladie vraiment, vraiment, que personne ne pouvait supporter. C'était une maladie, donc le prophète Ayoub a été touché par une sorte de gale, donc une maladie qui a vraiment attaqué sa peau, et à un moment donné, les gens ne pouvaient plus s'approcher d'Ayoub, ne pouvaient plus s'approcher de lui. Du fait de cette odeur qui émanait de son corps, qui dégageait, de cette odeur-là, et du fait d'une manière apparente, De manière apparente, vous connaissez les dégâts que causent ces maladies. Donc, d'une manière apparente, au niveau de l'odeur aussi qui émanait de lui, les gens ne pouvaient plus s'approcher de lui. Donc, il ne pouvait plus, les gens à son époque, supporter de le voir. Alors, c'est pour cela, parmi la grande épreuve qui a touché aussi le prophète Ayoub, cette grande épreuve-là, du fait qu'il fut abandonné par son entourage. Il fut abandonné carrément par son entourage. Et aussi, il a été expulsé. Donc, ce qui se rajoute à son épreuve de la maladie, c'est qu'il a été expulsé carrément de sa ville. Donc, ils l'ont mis à l'écart. Il a été mis dans un lieu, il a été mis à l'écart. Et donc, plus personne ne venait le voir. La seule qui est restée à ses côtés, c'était son épouse. Donc, son épouse, elle était connue. C'était une femme vraiment qui était connue pour sa piété. Elle faisait partie des femmes pieuses, vertueuses. Avait de nombreuses avec de nombreuses qualités, c'était une femme qui était bienfaisante et elle est restée reconnaissante, puisque, comme on a dit précédemment, pendant de longues années, comme on le verra, hein, il est même dit dans un récit pendant 70 années, le prophète Ayoub a vécu et a joui de ces bienfaits dont Allah lui a octroyé ces bienfaits-là. Et donc, son épouse a toujours été reconnaissante. Et donc, elle était bienfaisante à son égard. Donc, si vous voulez, il lui restait plus que son épouse. Bien sûr, il y avait Allah, subhanahu wa ta'ala, avant tout cela. Mais parmi les êtres hein, qui l'environnaient, parmi son entourage, il n'y a que son épouse qui restait à ses côtés. Donc, elle respectait ses devoirs envers lui. Elle lui rendait visite, elle le soignait, elle l'aidait même pour faire ses besoins, et elle a toujours recherché son bien-être. Et de ce fait, lorsqu'on regarde vraiment et on observe le récit, c'était vraiment une situation très difficile. Du fait que, alors qu'il était éprouvé par la maladie, donc comme on a dit, il voyait ses biens diminuer, et de ce fait, lorsque ses biens ont diminué, toute cette richesse qu'il avait, alors, sa femme, justement son épouse, était obligée de travailler. Du fait que, en perdant leurs biens, comme on a dit précédemment, ils ont même perdu leurs enfants. Donc, on voit que Ayoub a vraiment été sévèrement atteint. Donc, arrivé à un moment donné, son épouse a été même obligée de travailler. Elle était obligée de travailler. Donc, les travaux qu'elle trouvait, c'est qu'elle allait chez les gens, elle servait les gens, elle s'occupait des gens dans leur maison, donc elle faisait des travaux, on pourrait dire domestiques. Donc elle travaillait chez les gens. Et de ce fait, elle arrivait à gagner un peu pour que Ayoub puisse manger et pour qu'il puisse s'alimenter. Donc elle a fait des efforts pour travailler. Jusqu'à même à un moment donné, elle fut éprouvée, donc ils furent éprouvés vraiment du fait que les gens ensuite ne voulaient plus donner de travail à l'épouse de Ayoub. Du fait qu'ensuite, ils se sont dit que, à partir du moment qu'elle était en contact avec Ayoub, donc ils ont craint qu'elle ensuite soit contaminée et qu'ensuite elle les contamine. Donc ensuite, les gens ne voulaient plus s'approcher aussi même de la femme et de l'épouse de Ayoub. De ce fait, il est rapporté que parfois, lorsqu'elle allait chercher du travail auprès des gens, elle allait chez les gens, alors les gens la refusaient. Ou bien lorsqu'elle était, parfois elle était chez les gens, elle rapportait qu'ils l'ont sortie, hein, qu'ils l'expulsaient. Donc les gens ensuite voulaient, eh ben, rompre tout contact avec l'épouse de Ayoub. Donc c'était vraiment, vraiment très difficile. Et de là, on comprend mieux un hadith qu'on avait déjà mentionné dans des assises précédentes. On avait dit que le prophète, ensemble, nous a informé que les êtres les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, Ashadd al-Bala, Al-Anbiya, le prophète nous a bien enseigné cela, que les gens qui seront le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, le prophète sallam dit, puis les pieux, puis les gens en fonction de leur piété. Donc, les gens en fonction de leur piété seront éprouvés. L'homme est éprouvé, le prophète sallam nous dit, selon son degré de dévotion. Et donc, s'il est attaché à sa religion, son épreuve augmente. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a été jugé bon par authentique par l'imam Al-Albani. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que à travers cette épreuve, vraiment comme on a dit précédemment, le prophète Ayoub a vraiment été éprouvé. Et ben, on observe à travers la lecture de cette histoire que cela ne fit qu'augmenter la patience de Ayoub. Pour cela, Ayoub est l'un des meilleurs exemples de patience. Ceux qui veulent se remémorer la patience, lisez et remémorez-vous l'histoire de ce prophète, du prophète Ayoub. Pendant qu'il était éprouvé, ça n'a fait que augmenter sa patience et l'espoir à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ayoub, malgré qu'il subissait ses épreuves, eh ben on voit dans le récit qu'Ayoub il était reconnaissant vers son Seigneur. Et donc c'était l'exemple même de patience face à ses épreuves. Et c'est pour cela que on voit que même Mujahid, qui est célèbre, l'élève de Abdallah ibn Abbas, il disait au sujet de Ayoub, il dit, il fut le premier homme à souffrir de la gale. Donc c'était une maladie vraiment qui a attaqué son corps, qui a attaqué sa peau, jusqu'à ce qu'il disait qu'une partie de son corps, on ne voyait plus que ses os. On ne voyait plus que ses os, comme As-Suddi disait, que sa chair est tombée en lambeaux. Et ça laissa apparaître ses os et même ses veines. Et les savants ont divergé en ce qui concerne le temps qu'a duré cette épreuve. Certains savants ont dit que ça a duré 3 ans, 3 années. D'autres savants ont été d'avis, certains spécialistes et experts ont été d'avis que ça a duré plus de 7 ans. Et beaucoup disent que ça a duré à peu près 18 ans, puisque c'est mentionné dans un récit. Donc beaucoup de savants considèrent que Ayoub a été éprouvé 18 années. Donc il est resté malade pendant 18 ans. Et son épouse ne cessait d'être à son chevet et de l'aider. Et donc comme on a dit précédemment, elle essayait de gagner sa vie. Elle pourvoyait, hein. Elle pourvoyait justement à la subsistance de son mari en essayant de travailler pour qu'il puisse s'alimenter. Mais comme on a dit, les gens finirent par ne plus vouloir des services de celle-ci. Du fait que quand ils ont appris que c'était l'épouse de Ayoub, donc ils ont eu peur qu'elle leur transmette cette maladie. Jusqu'à ce qu'ensuite qu'il ait rapporté dans les récits, lorsqu'elle ne trouvait plus personne pour l'employer, alors elle était obligée de vendre une tresse ou bien une partie de ses cheveux. Elle était obligée de vendre de ses cheveux, donc elle a coupé une partie de ses cheveux. Et à l'époque, les cheveux se vendaient. Et donc, il est rapporté dans l'histoire qu'elle a vendu une partie de ses cheveux à une fille qui provenait d'une famille noble. Et c'est comme cela ensuite qu'elle a pu gagner de quoi se nourrir et qu'elle a pu acheter à manger aussi pour Ayoub. Mais un jour, Ayoub lui demanda, et l'a interrogé au sujet de ce qu'elle avait ramené comme nourriture et d'où provenait cela et quel était le travail qu'elle avait fait. Et il est rapporté que lorsqu'elle a fait part à Ayoub qu'elle avait coupé une partie de ses cheveux, alors Ayoub, ça l'a vraiment mis en colère. Et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre le contexte, c'est que Ayoub, pendant tout ce temps de cette maladie-là, il ne se plaignait pas. Et justement, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'il est rapporté que Ayoub n'a pas invoqué la guérison. Il ne se plaignait pas, il n'a pas invoqué Allah Jalla wa Ala la guérison. Il était patient, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'un des plus grands exemples de patience. Il était patient et il endurait. Il endurait jusqu'à ce qu'un jour, son épouse lui a dit, yeah, « Ayoub, tu es le prophète d'Allah, pourquoi n'invoques-tu pas Allah pour qu'il te guérisse ?» Et Ayoub ne voulait pas se plaindre. Ayoub patientait. Et Ayoub a répondu à son épouse que comme j'ai patienté, Allah nous a comblé de ses bienfaits, on était riches pendant 70 années, alors je patienterai 70 années de plus dans l'épreuve. Comme Allah Jalla wa Ala nous a comblé de ses bienfaits et de la richesse pendant 70 années, alors je patienterai autant d'années dans l'épreuve. Regardez, c'était vraiment un exemple d'endurance et de patience, Ayoub, alayhi salam. Mais il est mentionné qu'ensuite, à un moment donné, là, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah. Et certains, là, les exégèses, certains disent que c'est lorsqu'il a su que son épouse a vendu une partie de ses cheveux. Aussi, dans un récit, il nous est dit que l'une des raisons, là, vraiment, c'est lorsque deux hommes, c'est qu'il est dit que Ayoub avait deux frères, et un jour, justement, ces deux frères lui rendirent visite. Mais ils n'ont pas pu s'approcher de lui. À cause de l'odeur justement qui émanait de Ayoub, qui se dégageait de lui, ils n'ont pas pu s'approcher de lui. Et là, c'est l'un de ses frères a dit, si Allah avait voulu quelque bien pour Ayoub, il ne l'aurait pas éprouvé de cette manière. Et même, il est mentionné aussi que là, en Reddit, on ne sait pas ce que Ayoub a fait pour qu'Allah le punisse de cette manière. Et dans tous les cas, dans une version, il est dit, si Allah avait voulu en Ayoub quelque bien, il ne l'aurait pas éprouvé de cette manière. Et c'est là qu'ensuite, Ayoub, il est rapporté que Ayoub, là, a entendu cela, et là, il invoque Allah. Il invoque Allah en lui citant des choses qu'il avait fait, des choses qu'il faisait à l'époque qu'il était riche. Il secourait le pauvre et lorsqu'il voyait une personne qui n'avait pas de vêtements, il le secourait en lui donnant de vêtements. Ayoub était dans l'aide des nécessiteux lorsqu'il avait vraiment la richesse. Ayoub était dans l'aide des autres, etc. Et là, à ce moment-là, il est rapporté qu'il a invoqué. Il est mentionné aussi que une fois, comme on a dit précédemment, c'est son épouse qui l'aidait à aller faire ses besoins, qui l'emmenait dans un lieu. Qui le portait, hein, qui l'aidait, puisqu'il ne pouvait même plus, il ne pouvait même pas lui-même aller faire ses besoins, sortir, il avait besoin de l'aide de son épouse. Et un jour, alors, il était seul, il n'avait personne pour l'aider, et là, ça l'a vraiment fait, ça l'a vraiment fait, ça lui a fait du mal, et là, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de longues années, plutôt un grand laps de temps, Ayoub n'avait pas invoqué Allah. Et regardez, lorsque même qu'il va invoquer Allah, regardez dans le verset, dans le verset où il dit qu'il va invoquer Allah, même lorsqu'il va invoquer Allah, il va pas se plaindre. Il va juste faire part à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est atteint par la maladie. Regardez dans le verset, traduction l'a dit, il dit Inni massani ad-dur, il dit je suis atteint par la maladie. Il dit au Seigneur, je suis atteint par la maladie. Et lui dit, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Regardez, il n'y a aucune plainte. Il ne se plaint pas. Et même à travers cela, il informe seulement. Alors qu'il sait qu'Allah Jalla est le grand connaisseur. Il informe, il dit, ô certes Allah, je suis atteint par la maladie. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et là, c'est vraiment, vraiment lorsque Ayoub vraiment, vraiment enduré a persévéré et il a vraiment accepté son épreuve comme elle était. C'est pour cela que dans un hadith que nous apporte Ibn Abi Hatim, d'après Anas Ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ces mots, le prophète d'Allah, Ayoub, fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Tous s'étaient éloignés de lui, sauf deux de ses frères, qui lui rendirent visite. Un jour, l'un de ces deux hommes dit à l'autre, par Allah, Ayoub a dû commettre un péché qu'aucun autre homme a commis. L'autre dit, pourquoi tu dis ça? Il répondit, depuis 18 ans, Allah ne lui a pas fait miséricorde et ne le soulage pas. Alors, lorsqu'ils se rendirent auprès de Ayoub, un des deux hommes, il y a un des deux hommes, hein, il n'a pas pu patienter. Il est rapporté dans ce récit-là que c'est l'un des deux hommes ensuite qui informa Ayoub. Alors, Ayoub a dit, je ne sais de quoi vous parlez et Allah subhanahu wa ta'ala sait que lorsque je passais devant deux hommes qui se disputaient en citant Allah, je rentrais chez moi et je faisais pénitence par aversion pour cela et qu'on ne cite Allah que dans la vérité. Alors il sortait aussi pour accomplir les besoins. Et lorsqu'il avait terminé, sa femme le tenait jusqu'à ce qu'il rentre. Mais un jour, comme on a dit précédemment, sa femme n'était pas là. Et là aussi, ça l'a touché. Alors de ce fait, il invoqua Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous a rapporté aussi, hein, dans cette histoire, pour bien comprendre les détails de cette histoire de Ayoub, lorsqu'il va invoquer, pardon, Allah va répondre à sa demande et à son invocation. Et à un moment donné, il lui sera révélé, frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. Et c'est ça qui lui sera révélé. Alors, lorsque ensuite il va frapper la terre de son pied, et ben, il va connaître la guérison. Et Allah Jalla wa Ala va le guérir et le soulager de cette épreuve. Et ça va être vraiment un moment qui va être vraiment très important. Donc Allah Jalla wa Ala va répondre à la demande. Et c'est ça là. Donc moi, je vais résumer, hein. À un moment donné, ensuite, lorsqu'il va invoquer, Allah Azza wa Jalla va exaucer la demande de Ayoub et il sera guéri. Il sera guéri jusqu'à même, il est rapporté dans un récit, que lorsqu'un jour sa femme viendra, pour justement, il va venir à la rencontre de son époux, de Ayoub, alors elle ne va pas le trouver. Et donc elle va s'inquiéter. Elle va s'inquiéter, elle va se mettre à sa recherche. Et à un moment donné, elle va trouver un homme. Un homme qui, justement, ressemblait. Il ressemblait à Ayoub. Mais avant, lorsqu'il était plus jeune et lorsqu'il avait la richesse, lorsqu'il n'était pas touché par cette maladie. Et donc, il avait retrouvé la beauté, sa beauté d'avant. Et il ressemblait donc à Ayoub, mais sa femme, lorsqu'elle est venue, elle n'a pas reconnu, elle cherchait son mari, son époux qui était malade. Et à savoir qu'il nous est rapporté dans un récit, comme le rapporte Ibn Abbas, il dit que lorsqu'Allah, Jalla wa Ala, ensuite, l'avait guéri, Allah l'a vêtu d'un habit du paradis. D'un habit du paradis. Et c'est à ce moment-là qu'il changea de place. Et lorsque sa femme revint plutôt, nous informe Abdallah ibn Abbas, à son retour, elle ne le reconnut pas. Donc elle lui dit, ô serviteur d'Allah, elle s'adresse à un homme, elle ne sait pas que c'est son mari, que c'est Ayoub. Elle lui dit, où est l'éprouvé qui se trouvait là? Donc elle demande hein, au sujet de son mari, elle lui demande est-ce qu'il avait vu Ayoub? Et alors ensuite elle s'est dit, peut-être qu'il a été dévoré par un loup ou autre. Et puis elle lui parla pendant un moment. Et là Ayoub lui dit, malheur à toi, je suis Ayoub. Et là, elle lui répondit, mais tu te moques de moi, ô serviteur d'Allah? Il dit, malheur à toi, je suis bien Ayoub. Allah, Jalla wa Ala, m'a redonné mon corps. Et on voit qu'ensuite, Allah, Jalla wa Ala, lui a redonné la santé, il lui a redonné sa beauté, il lui a redonné son corps. Donc regardez, moi, j'ai vraiment résumé. Mais regardez, alors qu'il a connu les richesses, ensuite, il a été éprouvé, et beaucoup de savants, par rapport au récit qu'on a mentionné précédemment, sont d'avis qu'il a été éprouvé pendant 18 ans. Mais pas une maladie comme les autres et pas une épreuve comme les autres. Il a vraiment perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Ensuite, il a perdu ses proches. Tous ceux qui l'environnaient ensuite se sont éloignés de lui. Il a été sorti de la ville. Il a été mis à l'écart. Sa maladie était tellement profonde, était tellement douloureuse, était tellement intense qu'ensuite ça émanait de lui des odeurs. Les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. Et il n'y avait que son épouse qui était à ses côtés. Que son épouse. Et Ayoub, subhanallah, a toujours patienté. Il a toujours été reconnaissant des bienfaits dont il a joui dans le passé. Il a toujours été endurant dans l'épreuve d'Allah. Il ne cessait d'être dans l'adoration et être constant dans l'adoration de son Seigneur. Et il ne se plaignait pas. Et jusqu'à ce que son épouse lui a demandé, mais invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'au dernier moment, lorsqu'il n'a pas pu supporter les finalités, hein, en quelque sorte, les paroles des gens, la finalité, là, il a invoqué Allah, mais en lui faisant part juste de la maladie qui l'a atteint. Et Allah, Jalla wa Ala, ensuite l'a guéri. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Allah n'a pas seulement. C'est pour ça, lorsqu'on invoque Allah, il y a une règle qu'il faut savoir, pour terminer, il y a une règle vraiment qu'il faut savoir. Allah va toujours donner plus que ce qu'on a demandé. Regardez par exemple, l'exemple, lorsque Moussa, alayhi salam, avait demandé un soutien. Et il voulait quelqu'un qui l'épaule. Donc il avait demandé à Allah Jalla qu'il fasse que son frère Haroun, par exemple, soit son wazir, en quelque sorte son ministre, pour qu'il puisse l'épauler. Il avait besoin d'un soutien. Alors Allah a répondu à sa demande favorablement, il a exaucé sa demande, et il a fait de Haroun un prophète. Donc il lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Il avait demandé à Allah, Jalla Moussa, lorsque vous venez au verset, il avait demandé à Allah que son frère soit son ministre, pour qu'il puisse l'épauler, l'aider. Et Allah Jalala a fait de son frère un prophète. Regardez, il lui a donné plus. Et de ce fait, regardez différents récits dans le Coran, lorsque les prophètes ont invoqué Allah, toujours Allah leur a donné mieux. Il leur a donné plus. Et en l'occurrence, regardez, Allah Jalala va lui donner la santé, mais il est rapporté dans un récit, comme le rapporte Abu Huraira, c'est rapporté par Ibn Abi Hatim, qui nous dit que lorsqu'il guérit, Ayoub, Allah fit pleuvoir sur lui des criquets en or. Et Ayoub les prit à pleine main et les mit dans son vêtement. Allah dit alors, ô Ayoub, n'es-tu pas rassasié? Il répondit, ô Seigneur, et qui peut être rassasié de ta miséricorde? Et on a d'autres récits qui nous mentionnent aussi que Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il a guéri, alors il envoya une pluie de criquets en or. Qu'il prenait à pleine main et mettait dans son vêtement. Et il est mentionné dans un autre récit, pareil, que Ayoub, subhanahu wa ta'ala, a été enrichi. Donc Allah, Jalla wa Ala, lui a donné des biens et il l'a enrichi au point que, mashallah, il a recouvert toute sa richesse, il l'a retrouvée. Il a retrouvé toute cette richesse et mieux encore. Et de ce fait, ceux qui ont une connaissance de leur Seigneur, ils savent qu'après l'épreuve, il y a le soulagement, il y a le réconfort. Donc Allah éprouve, mais ensuite, il accorde l'issue favorable. Et Allah va soulager et accorder la bonne finalité à ses serviteurs. Et le prophète Ayoub n'a jamais douté de cela. C'est pour ça, tout à l'heure, lorsqu'on a dit que ensuite, il a été révélé à Ayoub, frappe de ton pied, frappe de ton pied. Cela signifiait frappe la terre de ton pied. Et lorsqu'il a frappé la terre de son pied, c'est là qu'il y a une source d'eau qui a jailli. Donc il est rapporté qu'une source d'eau a jailli. Lui, il s'est lavé de cette eau, il en a bu, et c'est et à partir de là, il a été soulagé de ses maladies, de ses maux, de ce mal, de ses souffrances qui touchaient son corps. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite, lui a donné une beauté parfaite. Donc il a retrouvé une beauté qui était parfaite et des biens en abondance, comme on a dit précédemment. Comme on a dit, au point qu'une pluie de criquets en or tombait sur lui du ciel. Ça, c'est quelque chose d'immense à méditer. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui nous est rapporté, c'est qu'Allah aussi lui rendit également sa famille et ses enfants. Sa famille et ses enfants. Comme il est dit dans le verset de traduction relative, nous lui avons redonné sa famille et plus encore. Alors certains savants, ils ont expliqué cela, ils ont dit, certains ont dit que c'est ses enfants qui sont revenus, ses propres enfants, Allah leur a redonné la vie à ses propres enfants qu'il avait. Et d'autres ont dit, non, c'est d'autres enfants, Allah lui a donné une autre descendance et des enfants. Et c'est pour cela qu'Allah a fait revivre, certains ont dit que Allah les a fait revivre. Et d'autres ont pensé, ont dit, non, Allah l'a récompensé par les morts de sa famille et lui a donné une nouvelle famille en ce monde. Et qu'ils seront tous réunis dans l'au-delà. Et d'ailleurs, de cette descendance-là, il aura un fils qui va lui succéder plus tard, qui sera prophète, aussi comme il est dit. Donc regardez, c'est vraiment la finalité et fait qu'il a été touché par les souffrances. Allah l'a guéri de cette maladie-là et de ces souffrances-là. Et ensuite, Allah lui a redonné sa beauté, lui a redonné de sa santé, lui a redonné de la richesse. Et voilà, c'était pour vraiment dénoter, s'expliquer l'histoire de Ayoub. Et je vous conseille vraiment de lire l'histoire de ce prophète. C'est vraiment un exemple de patience. Et parmi les bienfaits, les enseignements qu'on tire de cette histoire, c'est que Allah Jalla, donc éprouve ses serviteurs selon leur degré de foi. Et ceux qui patientent, regardez Allah comment il leur accorde l'issue favorable. Et toujours il y a la bonne finalité pour les patients. Et les endurants. Regardez par exemple, hein, il est rapporté, certains Ad-Dahhak, il rapporte d'après Abdallah ibn Abbas, que Abdallah ibn Abbas, il dit que Allah Jalla wa Ala lui a donné après plus tard 24 enfants. Donc il lui a donné, ou plutôt 23. 23. Donc ensuite, comme Allah lui a rendu sa beauté, aussi son épouse aussi. Allah lui rendit sa jeunesse, et plus encore. Au point où qu'elle a pu mettre au monde 23 enfants plutôt. 23 garçons. Et ça, c'est très important à savoir. Et donc, vraiment, ça dénote ensuite les bienfaits dont a joui le prophète Ayoub alayhi assalam. Donc, on va s'arrêter là, inshallah. Et la prochaine fois, on continuera sur l'explication de ce chapitre. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.